le prophète Daniel a été conduit à prédire les événements dramatiques de la fin. Son livre mérite donc bien le titre d'Apocalypse de l'Ancien Testament que certains commentateurs lui ont donné. Aussi, en cette dernière émission consacrée à ce livre, j'aimerais, une fois de plus, mettre la prophétie de Daniel en parallèle avec celle de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Et cela sur trois points précis abordés en Daniel chapitre 12. Lisons d'abord le verset 2, où il est question de résurrection. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ce texte affirme donc la résurrection des croyants et des incroyants, une doctrine fondamentale qui nous concerne tous. À notre mort, notre corps sera porté en terre où il se décomposera. Mais que deviendra notre âme immortelle? L'âme de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, parce qu'ils sont nés de nouveau, va directement auprès du Seigneur. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5, 2 et Philippiens 1, 23. En contraste, l'âme irrégénérée, c'est-à-dire celle qui n'est pas au bénéfice du salut offert par Jésus-Christ, attend son jugement dans un endroit que la Bible appelle le séjour des morts, Luc 16, 23, Apocalypse 20, 13. Cependant, pour les sauvés comme pour les perdus, leur situation n'est que transitoire. Toutes les âmes sont destinées à ressusciter, c'est-à-dire à recevoir un nouveau corps. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, tous les hommes doivent un jour ressusciter. Cependant, cette résurrection future doit s'opérer en deux étapes. Je cite ici l'apôtre Paul. J'ai en Dieu cette espérance qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Acte 24, 15. D'abord la résurrection des justes, ensuite celle des injustes. C'est pourquoi le chapitre 20 de l'Apocalypse emploie l'expression « première résurrection » lorsqu'il parle des justes qui reviennent à la vie et qu'il montre ensuite que la seconde résurrection ou résurrection des injustes n'interviendra qu'après les 1000 ans de règne de Jésus-Christ sur la terre. Chers auditeurs, qu'en est-il de vous? Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, vos péchés sont effacés par son sang expiatoire et vous avez été graciés. Donc, vous êtes rendus justes par son œuvre à la croix. Votre âme justifiée par Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Vous aurez part à la première résurrection et vous ferez ainsi partie de ces justes qui, selon Daniel, se réveilleront pour la vie éternelle. Mais si vous n'appartenez pas à Christ, si vos péchés n'ont pas été lavés par le sang de Christ, vous êtes au nombre des injustes, c'est-à-dire des perdus. Votre âme se réveillera, comme le dit Daniel, pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et cela seulement à la seconde résurrection. Cette seconde résurrection se produira lors du jugement dernier, quand les perdus seront condamnés au châtiment éternel dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 20, 11 à 15. Ah, chers amis à l'écoute, c'est très sérieux. Une fois de plus, je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Mais revenons à Daniel 12. Après avoir entrevu la résurrection, le prophète prédit, pour les temps de la fin, un clivage de mentalité. C'est là le deuxième volet de l'analogie que je désire faire ressortir entre le livre de Daniel et celui de l'Apocalypse. Lisons le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Puis le verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchi et éprouvé. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Dans les circonstances dramatiques de la grande tribulation, des hommes et des femmes auront l'intelligence de se laisser instruire par la parole de Dieu. Minorité agissante, ils s'insurgeront contre l'opinion de la majorité, ils remonteront le courant de l'incrédulité, et ils souffriront pour leur foi, acceptant même le martyre par amour pour leur Seigneur. Pendant ce temps, les méchants avanceront toujours plus dans le mal et s'endurciront dans la révolte contre Dieu. Au temps de la fin, un fossé toujours plus profond se creusera donc entre justes et injustes, entre croyants et incroyants, entre ceux qui donneront tout pour Christ et ceux qui suivront l'Antéchrist. Or, le dernier chapitre de la Bible montre aussi ce clivage de mentalité. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, 11. J'aborde maintenant le troisième volet de notre étude consacrée à Daniel chapitre 12, l'augmentation de la connaissance. Lisons d'abord le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel scelle le livre. Dans l'Antiquité, les rouleaux de papyrus ou de parchemin demeuraient fréquemment scellés afin que nul n'en prenne connaissance. Dans le cas de Daniel, il est probable que ce sceau était davantage un fait spirituel que matériel. Dieu voulait montrer par là qu'il réservait ce message à la période tourmentée que nous vivons, sachant que nous en aurions besoin. Daniel lui-même n'a pas pleinement saisi la portée des paroles entendues, ce qu'il confesse du reste en ce chapitre 12, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Daniel a accepté que le livre de sa prophétie soit scellé. Il a donc accepté de ne pas tout comprendre. Mais ce message ne devait pas être oublié pour autant, car le jour allait venir où il serait lu et où la connaissance augmenterait. À ce propos, j'aimerais vous faire remarquer, chers auditeurs, un contraste entre le livre de Daniel et celui de l'Apocalypse. Dieu a dit au prophète « Scelle le livre ». Mais il a dit exactement l'inverse à l'apôtre Jean. « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Apocalypse 22, 10. Pourquoi donc la prophétie devait-elle être scellée pour Daniel et non scellée pour Jean? Parce qu'avec la rédaction du 66e livre de la Bible, la révélation divine s'achevait. Comme Daniel n'avait pas à sa disposition l'ensemble des textes prophétiques pour les comparer entre eux, cette révélation demeurait pour lui scellée, cachée, presque inaccessible. En contraste, et depuis l'apôtre Jean, l'Église chrétienne a la possibilité d'interpréter les textes sacrés à la lumière de la Bible entière. Nous pouvons donc lire le livre de cette prophétie et, avec le secours du Saint-Esprit, accéder à cette connaissance comme Daniel l'a prévu. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Mais cette phrase veut dire encore autre chose. La version Darby, toujours très proche de l'original dans son expression, dit ceci. Plusieurs courront ça et là et la connaissance sera augmentée. C'est fort différent. Daniel, aurait-il entrevu par avance l'une des caractéristiques de notre époque où les gens courent partout cherchant la vérité dans toutes sortes de doctrines? À moins que ce soit une allusion aux mass médias qui propagent partout toutes les connaissances, bonnes ou mauvaises, c'est aussi possible. Cependant, on peut encore traduire cette même phrase d'une manière différente. Je ne prends pas une option pour l'une ou l'autre de ces interprétations, mais il vaut la peine de nous arrêter à cette dernière version. Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors s'apostasieront en dépit de l'augmentation de la connaissance. S'apostasieront, c'est-à-dire abandonneront, seront infidèles à ce message. Ne courons-nous pas le risque, chers auditeurs, d'accumuler beaucoup de connaissances bibliques sans conformer nos vies à ce que cette connaissance implique? La connaissance sera-t-elle un jour le critère de notre condamnation parce qu'au lieu de mettre la parole de Dieu en pratique, nous nous serons éloignés d'elle? Une chose est de remplir nos têtes de vérités bibliques. Une autre est de laisser ces vérités exercer nos cœurs et nos consciences. Souvenons-nous de l'avertissement de l'apôtre. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Au terme de cette série d'études sur le prophète Daniel, j'exprime le vœu, chers auditeurs, que si nous avons compris quelque chose dans ce livre remarquable, notre amour pour le Seigneur est augmenté dans la même proportion. Ainsi serons-nous à même de suivre les traces de Daniel, ce modèle d'intégrité, ce géant de la foi, ce prophète à qui Dieu a promis une glorieuse récompense. Tout à la fin de son livre, dernier verset. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Marche vers ta fin. Daniel avait plus de 85 ans. Mais il devait marcher, marcher avec son Seigneur. La marche chrétienne ne cesse donc jamais, même lorsqu'on a franchi le seuil du troisième ou du quatrième âge. Il nous faut marcher selon l'esprit, si nous ne voulons pas marcher selon la chair. Galates 5, 16. Il nous faut marcher dans l'amour, si nous voulons suivre l'exemple de Christ. Éphésiens 5, 2. Il nous faut marcher dans la vérité, si nous voulons glorifier Christ. Troisième épître de Jean, verset 4. Alors seulement serons-nous trouvés debout pour recevoir en héritage la récompense éternelle. La prophétie est devenue histoire. Comme le livre de Daniel parle surtout de la fin des temps, sa conclusion nous ramène à l'avertissement adressé par le Seigneur à ses disciples dans son discours prophétique du Mont des Oliviers. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Que le Seigneur nous trouve les uns et les autres debout devant le Fils de l'homme, debout pour vaincre, debout pour témoigner pour son nom, debout pour recevoir l'héritage éternel. Ce sont là les chaleureux vœux que je forme pour vous, chers amis à l'écoute, en prenant congé de vous.